Chapitre 22e. Mère et fils. Samuel et son hôte étaient attablés et buvaient dans le parloir blanc. Entre 11h et minuit, ils furent troublés par un violent carillon de la sonnette de la chambre à coucher de Sarah. Samuel était un mari trop bon pour ne pas reconnaître la vibration de cette sonnette particulière. Sans attendre et sans s'excuser auprès de son noble visiteur, il quitta donc le parloir à la hâte et courut le long du corridor qui conduisait à la chambre de Sarah. Le colporteur avait quitté cette pièce sous la conduite de Betty, à qui Mme Pecker avait ordonné de trouver pour lui une chambre à coucher dans un des greniers au-dessus de l'écurie. Sarah était donc seule quand l'aubergiste entra dans la chambre pour répondre à l'appel de la sonnette. « Samuel, » dit-elle, mettant ses mains sur son front, comme si elle eût voulu calmer l'agitation de son esprit, « suis-je folle ou ai-je rêvé ? Qui est là-bas dans le parloir blanc ?»« Le gentilhomme qui est venu à Noël, Sarah, le gentilhomme. » les yeux noirs et inquiets comme ceux de mon petit enfant !» s'écria Sarah d'une voix qui était presque un cri perçant. « J'aurais dû le reconnaître, à ses yeux, j'aurais dû le reconnaître !» Épouvanté, son mari crut qu'elle était dans un paroxysme de délire. « Sarah, Sarah, qu'est-ce que c'est ?»« Les yeux, » répétait-elle, « les yeux de l'enfant dont tu m'as entendu parler. L'enfant que j'ai perdu longtemps avant de te connaître, Samuel. L'enfant dont le cruel père était mon premier mari, Thomas Masterton. » « Mais pourquoi parles-tu de lui ce soir, Sarah ?»« Oui, pourquoi est-ce que je parle de lui ce soir » répéta-t-elle d'un ton sauvage, en repoussant ses cheveux de son front avec ses mains brûlantes de fièvre. « Pourquoi est-ce que je parle de lui ce soir ? Qui est donc dans le parloir blanc ?»« Sir Lovell Mortimer, » répliqua Samuel, de plus en plus convaincu que sa femme avait le délire de la fièvre. « Sir Lovell Mortimer, connu de ses amis, de ses compagnons, et des officiers de police de Bow Street sous le nom du capitaine Fanny, » dit Sarah lentement, répétant les mots de Thomas Masterton. « Laisse-moi le voir. » Samuel, épouvanté, la regarda d'un œil fixe. « Laisse-moi le voir, » répéta-t-elle. « Voir qui ? Sir Lovell Mortimer, le baronnet ? Le jeune homme aux yeux noirs. Le pauvre malheureux garçon, le... Laisse-moi le voir, laisse-moi le voir. » Samuel haussa les épaules de désespoir. Nous savons que c'était une créature simple et fidèle. Si sa femme malade lui avait demandé d'apporter la lune à côté de son lit, il aurait sans doute fait quelque faible effort pour la satisfaire. Ce n'était donc que très peu de choses de marcher le long du corridor et de demander au baronnet s'il voulait bien faire une visite à la chambre d'une malade. Sir Lovell était peut-être très savant dans la pharmacie, et il était possible qu'il saignât avec adresse, comme quelques messieurs de la campagne dans ce temps, et il pourrait peut-être faire disparaître cette fièvre et ce délire terrible. En effet, on eût dit que sa présence avait une influence consolante sur la bonne malade, car Sarah lui fit doucement signe de prendre un siège à côté de son lit, puis, tournant sa figure blanche, mais tranquille, vers Samuel, elle lui ordonna de quitter la chambre. Étant seule avec le jeune brigand, elle resta tout à fait immobile pendant quelques minutes, regardant. Ah, Dieu seul sait avec quel amour maternel et avec quel mouvement de désir elle regarde le profil accentué de cette jeune figure blême et amaigrie par main de débauche, de sorte qu'à la fin le jeune homme perdit tout à fait patience. « Je ne peux pas concevoir, madame, que vous m'ayez envoyé chercher pour le seul plaisir de me regarder, » dit-il. « Je sais que je ne suis pas mal tourné, mais je ne suis pas comme les figures de cire de l'abbaye de Westminster, qui ne sont bonnes qu'à être regardées. Il est tard, et j'ai passé une journée fatigante. » ajouta-t-il en bâillant. « Avez-vous quelque chose à me dire ?»« J'ai appris de mauvaises nouvelles ce soir, » dit Sarah lentement. « De tristes nouvelles, d'un enfant unique, que je croyais mort et enterré depuis longtemps. » Le capitaine Fanny ne fit aucune réponse. Il pensait que l'esprit de celle qui parlait était égaré, et qu'il valait mieux la laisser parler sans faire aucun effort pour la questionner ou pour la contredire. Mais les mots qu'elle dit ensuite firent monter le sang à son visage et battre son cœur, qui au fond n'était pas celui d'un lâche. « Une personne est venue ce soir et m'a dit qui vous êtes, » dit-elle. « Qu'il était. » Cette malade qu'il trouvait dans cette auberge solitaire d'un paisible village du Cumberland, où il se croyait tout à fait libre de jouer son rôle de baronnet et de grand seigneur, hors du danger que la justice, qui était presque toujours sur ses traces, put le trouver. Cette faible femme le connaissait et pourrait le dénoncer. Dès son enfance même, il avait joué avec le gibet, et après ces quelques battements de cœur causés par la surprise, il se remit et se sentit capable de tenir résolument tête au danger. « Vous me connaissez ?»« Oui, vous êtes un brigand, et on vous appelle le capitaine Fanny. » Il saisit le poignet de Sarah dans sa main effilée et nerveuse. « Vous ne me trahirez point !» Elle secoua la tête, le regarda et sourit tristement. « De toutes les créatures du monde, dit-elle, je serai la dernière à le faire. »« Peu m'importe, murmura-t-il en se parlant à lui-même et pas à Sarah. Quelques mois, peut-être quelques semaines de plus ou de moins. J'en ferai peu de cas, si ce n'était pas pour Jack Ketch. » « Henry Masterton, dit la malade, dites-moi où et comment vous avez passé votre vie. » Elle l'appela par un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 17 ans, et la légère rougeur qui était apparue quitta ses joues creuses, les laissant aussi blanches que la couverture du lit de Sarah. « Vous êtes étonné que je connaisse votre nom, » dit Madame Pecker. « Mais, oh mon fils, il est étonnant que lorsque je vous ai vu à Noël dernier, je n'ai pas deviné la cause de mon agitation. » Comme s'il pouvait y avoir une autre cause à cette agitation. Comme s'il pouvait y avoir une autre figure au monde qui peut faire battre mon cœur comme il a battu ce soir-là. Comme si je pouvais ressentir à la vue d'aucune autre figure ce que j'ai ressenti à la vue du visage d'un petit enfant qui, il y a 24 ans, m'a regardé au berceau de mon propre petit enfant. Le jeune homme ouvrit la bouche pour respirer et, se tournant subitement vers Sarah, il lui parla d'une voix sourde et rauque. « Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? J'entends de dire à mon père que j'étais né dans le Cumberland, et qu'il avait quitté ma mère, et qu'il m'avait enlevé à elle alors que je n'étais qu'un petit enfant. Que voulez-vous dire ? » La Bible que Sarah avait baisée quelque temps auparavant était ouverte sur la table à côté de son lit. Elle étendit sa main, et la posant sur la page ouverte, elle dit d'un air solennel, « Je veux dire, Henry Masterton, que je suis la malheureuse femme et la pauvre mère que cet homme a abandonné, et que vous êtes mon enfant. » Le jeune homme laissa tomber sa tête sur la couverture et sanglota tout haut. Sa mère pleurait et le caressait. « mon fils, s'écria-t-elle. « M'a-t-on dit la vérité ? Est-ce vrai ? Que je suis un voleur et un brigand ? Oui, ma mère. Que je n'ai jamais été honnête depuis mon enfance ? Oui, ma mère. Et que je n'ai jamais vécu avec des honnêtes gens depuis que je puis m'en souvenir ? Oui, ma mère. Mon père m'a battu, il m'a maltraité. Il m'a laissé des jours entiers dans quelque caverne affreuse, semblant oublier qu'une créature qui était son fils était de ce monde. Mais il n'oublia pas de m'apprendre à voler, et je fus très intelligent à suivre ses leçons. Je l'ai quitté quand j'avais 10 ans, et j'ai vécu avec des bohémiens, des voleurs, des vagabonds et des mendiants jusqu'à ce que je fusse devenu plus adroit dans tous leurs méchants tours que ceux qui avaient 3 fois mon âge. Ils me dorlotaient et me gâtait à cause de ma beauté et de mon adresse. Après ça, je les quittais, et je me liais avec un homme qui fut d'abord mon maître, puis mon domestique, mais qui dès le commencement étouffa la voix de ma conscience, et m'ôta toute espérance de devenir un meilleur homme. L'histoire de ma vie remplirait 20 volumes, mais vous pouvez en lire la morale en 3 lignes. Dès le commencement, ma vie a été celle qui conduit directement au gibet. Pour dire tout cela, il avait relevé la tête. Les larmes qu'il avait versées étaient déjà à moitié séchées par la fièvre de ses joues brûlantes et ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Dis-moi, mon fils, » reprit Sarah en se serrant contre ce fils nouvellement retrouvé, « dis-moi, n'y a-t-il aucun danger ? Est-ce que ta vie est en danger ?» Il secoua tristement la tête. « Je ne me suis jamais soucié où, quand et comment je la risquais, » répondit-il. « Je l'ai souvent presque perdue pour un pari. » Mais ce soir, je sens combien j'aimerais à la garder par amour pour toi, ma mère. Et y a-t-il du danger ? Il y en a beaucoup, si l'on me trouve. Mais si je peux seulement échapper au gibet de moi encore, Jack Ketch perdra ses honoraires. Comment, mon cher enfant ? Parce qu'un savant médecin de Londres m'a dit, il y a 15 jours, après m'avoir examiné la poitrine, et après m'avoir frappé jusqu'à ce que je perdisse patience, que je n'ai presque plus de poumons, et que je n'ai plus que 3 mois à vivre. Sarah regarda sa figure et ses joues creuses et maigres, ses lèvres sèches et pâlies par la fièvre, l'éclat de ses grands yeux noirs qui les faisaient ressembler à du verre, l'aspect aigu et maigre de ses traits. Elle vit les signes et les indices d'après lesquels il n'était pas nécessaire d'être médecin pour lire le triste verdict, condamné à mort.